C'est hier que l'astronome japonais Koichi Itagaki a rapporté la découverte de ce qui semble bien être une nouvelle supernova dans la belle galaxie proche M61. Koichi Itagaki s'est spécialisé dans la recherche de supernova et en a déjà plus de 90 à son actif. Des images de la galaxie M61 comparées avec des images plus anciennes montrent clairement la présence d'un nouvel objet très brillant. Il est intéressant à noter également que ce même Itagaki avait déjà découvert une supernova dans cette même galaxie il y a à peine 6 ans. M61 est une des galaxies assez brillantes dont on peut voir clairement les bras spiraux dans un télescope d'amateur relativement modeste. Pour la trouver, par exemple avec un Dobson sans Gotu, c'est même facile. La constellation de la Vierge forme un grand Y avec la brillante Porima à l'intersection des deux fourches. Cette constellation est actuellement visible en toute fin de nuit avant l'aube vers l'horizon est-sud-est, pile au-dessus du point brillant qui rase l'horizon et qui n'est autre que Mercure. Alors, une fois sur Porima, vous prendrez la fourche droite du Y pour vous arrêter sur la première étoile rencontrée, qui s'appelle Eta Vir. De là, il suffit de suivre un segment imaginaire parallèle à l'autre branche du Y et vous trouvez facilement deux étoiles sur ce segment. Il s'agit de 16 Vir d'une magnitude de 4,95 et 17 Vir d'une magnitude de 6,45. Et M61 se trouve presque exactement au milieu de ces deux étoiles. Facile, non ? Avec un télescope de 10 pouces, donc 254 mm, vous devriez voir cette supernova située sur un bord de la galaxie. La supernova a actuellement une magnitude de 13,4 et est donc visible dans des télescopes de plus de 200 mm. M61 est une galaxie vraiment proche, elle fait partie de l'amas de Virgo, située donc à seulement 55 millions d'années-lumière. Cette étoile aurait donc explosé 10 millions d'années après la disparition des dinosaures sur Terre. Bon, on ne sait pas encore de quel type de supernova il s'agit, hein, une SN1A ou une SN2. Pour cela, il faudra donc mesurer son spectre de lumière. Oui, les supernovas ne sont pas des événements si rares, hein, c'est vrai. Mais des supernovas relativement proches comme celle-ci sont un peu moins courantes, sans parler des supernovas qui ont lieu dans notre propre galaxie, dont la dernière en date remonte à plus de 400 ans, hein, quand même. Alors, ne boudons pas notre petit plaisir.